La science CQFD, Natacha Triou. Entre les plantes à fleurs et les insectes pollinisateurs, c'est une symbiose qui file le parfait amour depuis 150 millions d'années. Mais la crise environnementale change la donne. Comment la disparition des pollinisateurs affecte-t-elle les plantes ? C'est le système reproductif le plus sophistiqué et le plus performant du monde végétal, la pollinisation. Les insectes profitent des plantes pour se nourrir, les plantes profitent des insectes pour se reproduire. Mais cet équilibre ancestral est menacé. En moins de 30 ans, les populations d'insectes ont probablement chuté de près de 80% en Europe. Pour faire face à ce déclin massif et plus rapide qu'aucune autre extinction terrestre, certaines plantes s'auto-fécondent. Cette relation fleur-insecte est fragile, que se passerait-il si elle disparaissait ? Déclin des insectes, la pollinisation a le bourdon. Emmanuel Porcher, bonjour. Bonjour. Vous êtes écologue et biologiste de l'évolution, enseignante-chercheuse au Muséum National d'Histoire Naturelle, directrice du Centre d'écologie et des sciences de la conservation. En duplex de Montpellier, Pierre-Olivier Chepteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous d'être là, au rendez-vous, derrière votre poste en direct ou à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous écouter tout en nous suivant sur X, anciennement Twitter, sur notre fil @sciencecqfd. Vous y trouverez plein de ressources complémentaires. Ce live tweet commence tout de suite. Alors comment fonctionne la pollinisation ? Quel rôle joue-t-elle au sein des écosystèmes ? Pourquoi certaines plantes évoluent vers l'auto-fécondation ? Et comment enrayer ce cercle vicieux ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Pour commencer, quels services nous rendent les insectes pollinisateurs ? La question est posée en 1964, c'est notre archive du jour. Nous avons vu dans ma précédente causerie que les insectes qui vivent dans la terre et même dans l'ordure peuvent nous rendre quelques services. Nous allons examiner aujourd'hui le cas bien différent de ceux qui fréquentent les fleurs. Ces insectes sont pour la plupart des espèces à vol rapide, papillons, diptères, hyménoptères, qui vont d'une fleur à l'autre et assurent ainsi le phénomène qui nous intéresse, la pollinisation. On sait qu'on désigne sous ce nom le phénomène préliminaire de la fécondation des plantes à fleurs. Je rappelle en quelques mots l'organisation des organes de la reproduction florale. L'organe mâle est constitué par les étamines, en nombre variable, qui forment le pollen dans leurs anthères. L'organe femelle est le pistil, formé par l'ovaire surmonté d'un style que termine le stigmate, qui a pour mission de recevoir le pollen. Étamines et pistils peuvent se trouver réunis sur la même fleur, être portés par des fleurs différentes sur la même plante, ou encore, chez les plantes dites dioïques, sur des fleurs produites par des pieds différents. Pour comprendre l'action des insectes pollinisateurs, il faut préciser que, pour des causes diverses, il est rare que la fécondation se produise directement, même dans une fleur qui réunit étamines et pistils. Le plus souvent, les grains de pollen provenant d'une fleur doivent être transportés sur une autre fleur par une intervention extérieure, qui peut être le vent, mais où il est facile de constater que les insectes jouent un rôle considérable. Voilà la voix de Lucien Chopard, entomologiste français en 1964 sur l'émission L'heure de la culture française, de la radiodiffusion française. Emmanuel Porcher, pour compléter ce qu'on vient d'entendre, compléter cette archive, voilà quels sont les mécanismes en jeu dans la pollinisation. Eh ben, je trouve que l'archive a fait une excellente présentation de ce qu'était que la pollinisation. C'est vraiment ce transport du grain de pollen, qui est la forme de vie des plantes qui va produire les cellules reproductrices mâles, les spermatozoïdes. Et ce grain de pollen n'est pas du tout autonome, il n'est pas capable de se déplacer tout seul. Donc il faut l'intervention de ce qu'on appelle des vecteurs de pollinisation. Des fois c'est le vent, comme c'était dit dans l'archive. Et puis, dans la plupart des cas, ce sont des animaux. Pierre-Olivier Chepteau, une réaction vous aussi à cette archive ? Alors oui, effectivement, il y a plein de choses dans cette archive. L'idée, par exemple, quand il dit le plus souvent, on a des organes mâles et des organes femelles. Alors effectivement, c'est une particularité des plantes, c'est que la majorité sont hermaphrodites, mais pas toutes. Et d'ailleurs, on a toutes les combinaisons possibles. Vous enlevez vous avez des mâles et des femelles, vous avez des hermaphrodites et des mâles, des hermaphrodites et des femelles. Hermaphrodites et des mâles étant un cas très rare. Mais donc voilà. Et il explique aussi dans son archive que le plus souvent, il y a transport de pollen, donc il n'y a pas autofécondation. c'est très juste de dire le plus souvent. Alors maintenant, on l'a quantifié hein, depuis 1964. On a des outils pour quantifier l'autofécondation et on sait qu'il y a à peu près 20% des espèces qui font beaucoup d'autofécondation. On rentrera dans le détail un peu plus précisément justement sur ces histoires de reproduction chez les plantes. Et on va aussi également parler du dérèglement et des effets du déclin des insectes sur cette relation plante-insecte. Mais d'abord, peut-être parler de cette histoire ou de la préhistoire de la pollinisation. Emmanuel Porcher, la date d'apparition des plantes à fleurs est encore incertaine, mais à quand remontent justement les interactions entre plantes et insectes ? Elles sont très très anciennes en fait, elles datent d'avant même l'apparition des plantes à fleurs. Donc les plantes à fleurs, elles sont apparues sur la planète il y a assez longtemps déjà, au moins 140 millions d'années, mais peut-être de façon beaucoup plus ancienne. Mais déjà il y a 300 millions d'années, on pense qu'il y avait des interactions de type pollinisation entre des plantes qui n'étaient pas des plantes à fleurs, qui étaient plutôt du groupe qu'on appelle les gymnospermes. C'est le groupe qui actuellement contient les pins, les sapins. Ce sont des espèces qui produisent du pollen aussi, comme les plantes à fleurs. Et des insectes dont on a des fossiles avec des insectes qui ont une morphologie qui laisse penser qu'ils pouvaient aller chercher du nectar chez ces gymnospermes. Donc des longues trompes, par exemple, qui leur permettaient d'aspirer le nectar. Donc c'est très ancien et les plantes à fleurs sont apparues à un moment où ces relations très fortes existaient déjà et probablement le fait qu'elles soient devenues dominantes sur la planète est en partie lié à cette interaction qui leur permet de se reproduire très efficacement. Pierre-Olivier Chepteau. Alors, quoi dire le... Donc oui, la pollinisation finalement, elle peut être très spécialisée, c'est-à-dire dans ce cas, on va avoir un insecte qui va ne polliniser qu'une espèce de plante, et elle peut être beaucoup plus généraliste, comme c'est le cas avec les pollinisateurs communs qu'on connaît, les bourdons, les abeilles, etc. Et à ce propos, il y a une anecdote intéressante de Darwin, parce que Darwin s'est quand même intéressé à la question, et il avait trouvé à Madagascar une orchidée avec un éperon, donc un long tube derrière la fleur, très très profond. Et il s'était dit, et donc dans cet éperon, il y avait du nectar. Et il s'était dit, s'il y a une telle fleur, il doit y avoir un pollinisateur avec une très très longue trompe. En l'occurrence, il pensait que c'était un papillon de nuit à cause des odeurs émises par la fleur. Mais il ne l'avait pas trouvé. Et ce pollinisateur a été trouvé 50 ans plus tard, c'était un papillon. Comme quoi, le raisonnement sur l'association plante-pollinisateur peut permettre de faire des inférences. Oui, Darwin qui était d'ailleurs plutôt obsédé par les fleurs, hein, puisque très vite après l'apparition des plantes à fleurs, on observe un foisonnement d'espèces très fort. C'est ce que Darwin appelait justement l'abominable mystery, Emmanuel Porcher. Oui, tout à fait. C'est vraiment très rapide à l'échelle de l'histoire des plantes, bien sûr. Hein, ça a quand même pris quelques millions d'années. Mais on est passé très rapidement de quelques espèces à des centaines de milliers d'espèces. Et à son époque, Charles Darwin n'avait pas tous les éléments pour expliquer comment est-ce que ça avait pu se produire aussi rapidement, d'où ce terme abominable mystère. Depuis, on a des clés, donc on pense que le partenariat avec les insectes est impliqué. Mais il y a aussi d'autres caractéristiques des plantes à fleurs qui font qu'elles sont particulièrement efficaces pour croître sur la planète. Les plantes à fleurs ont donc évolué avec les insectes il y a déjà plus de 150 millions d'années. On parle là hein, d'une coévolution. Tout à fait. Alors, on parle de coévolution quand on a deux partenaires ou plus qui s'influencent mutuellement pour que leurs caractéristiques se transforment au cours du temps. Et l'exemple qu'a donné Pierre-Olivier Chepteau à l'instant, c'est un très très bel exemple de coévolution où on a ce phénomène de sélection naturelle, donc qui va favoriser les individus qui ont les caractéristiques qui leur permettent de mieux se reproduire ou de mieux survivre, où les plantes qui ont un éperon plus long vont réussir à mieux se reproduire parce qu'elles obligent le pollinisateur à aller chercher très profond le nectar et donc à aller se cogner dans les étamines et récupérer du pollen. Et parallèlement, les pollinisateurs qui ont les trompes les plus longues vont aussi mieux survivre et se reproduire parce qu'ils sont plus efficaces pour aller chercher de la nourriture. On a une espèce de course qui se renforce l'une l'autre avec des plantes avec des tailles de plus en plus grandes et des pollinisateurs avec des trompes de plus en plus grandes. Oui, Pierre-Olivier Chepteau, la pollinisation et donc cette coévolution, c'est chaque espèce qui influence les changements de caractéristiques de l'autre. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Parce que c'est vrai que la nature nous offre des exemples assez fascinants, justement. Alors, il y a un exemple qui est bien connu, qui en plus a été étudié dans mon laboratoire, il se trouve, c'est pas moi qui l'ai étudié, mais c'est la coévolution des espèces de ficus, donc de figuiers, avec leurs pollinisateurs. Et là, on a, les figuiers, c'est à peu près 800 espèces. Hein. On connaît le figuier qui nous donne les figues à manger, Ficus carica, mais il y en a plein d'autres sur toute la planète. Et en fait, associé à chaque espèce, on a à peu près, hein, je caricature un tout petit peu, mais associé à chaque espèce, on a un pollinisateur spécifique. Et en fait, quand on regarde quand se sont fabriquées ces espèces, eh ben, on a une corrélation assez parfaite entre la spéciation des insectes et des ficus, qui ont de nouvelles espèces. Donc ça, c'est un exemple, mais un exemple assez rare, hein, de coévolution assez parfaite entre le pollinisateur et la plante. L'exemple du figuier et du guêpe également. C'est ça. Oui, tiens, Olivier Cheptou, donc ça veut dire que cette histoire de coévolution, ça signifie que si on observe donc les caractéristiques d'une fleur, on peut déduire donc quel insecte réalise sa pollinisation. Alors, oui, un peu. Bon, ça, c'est toute la question de la théorie de l'évolution de Darwin. Elle a une certaine valeur prédictive. Je dirais une certaine valeur, parce que dans le cas caricatural que je vous ai donné sur le papillon de Madagascar, là, c'est joli, mais on n'est pas toujours aussi bon, si j'ose dire. Mais bien sûr, c'est avec cette idée de complémentarité de fonctionnement, on peut faire des inférences en se disant, voilà, ça doit être tel pollinisateur qui correspond à telle fleur. Emmanuel Porcher. Oui, ces prédictions, elles marchent bien quand on a des situations assez simples où on a une espèce de plante qui est pollinisée par une espèce de pollinisateur, comme dans le cas de l'orchidée de Madagascar. Mais en fait, dans les systèmes naturels, on se rend compte que les systèmes de pollinisation sont assez généralistes. C'est-à-dire, très souvent, les plantes sont pollinisées par plusieurs espèces d'insectes. Et les insectes sont capables de visiter plusieurs espèces de fleurs. Et donc, dans ces cas-là, la sélection naturelle, elle peut tirer un petit peu dans des directions différentes et faire que les caractéristiques qu'on observe à la fin chez les plantes ou chez les pollinisateurs, elles sont la résultante de toutes les visites par différents pollinisateurs. Et c'est difficile d'inférer le type de pollinisateur à ce moment-là. La pollinisation, donc, c'est une sorte de relation donnant-donnant, mais il y a certaines évolutions qui ne sont favorables que pour une seule espèce et pas pour l'autre. Qu'est-ce que vous entendez par pour une seule espèce? Par exemple, quand une fleur imite les femelles d'insectes, ouais, pour les attirer. Oui, oui. Effectivement, dans l'introduction, vous avez parlé de parfait amour pour décrire ces relations. Et c'est vrai dans la plupart des cas. Mais en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la sélection naturelle, elle favorise vraiment les individus qui se reproduisent mieux ou qui survivent mieux, ou les deux. Et dans la majorité des cas, ça donne des caractéristiques qui, à la fois chez les plantes et chez les pollinisateurs, favorisent un mutualisme. Mais il y a des situations où il y a des caractéristiques qui permettent aux plantes de mieux se reproduire sans favoriser les pollinisateurs. Donc on a ce qu'on appelle des plantes tricheuses qui attirent les pollinisateurs mais qui ne produisent pas de nectar, par exemple, pour les récompenser. Et inversement, il y a des pollinisateurs tricheurs qui viennent visiter les fleurs, mais au lieu de passer par le centre de la fleur, là où il y a les étamines et le pollen, ils passent par l'extérieur et vont percer un trou dans la fleur pour récupérer le nectar. Pierre-Olivier Cheptou. Oui, ça me fait penser à j'ai des souvenirs d'observations comme ça, par exemple sur l'ancolie qui a des éperons, on peut facilement voir dans l'Hérault, mais je pense qu'on peut le voir ailleurs, on peut facilement voir le vrai pollinisateur, si j'ose dire, c'est-à-dire je crois que c'est un bourdon qui rentre bien dans la fleur et qui va chercher le nectar au fond de l'éperon, et donc évidemment en forçant, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, eh ben, il se charge de pollen. Et puis vous avez un, je sais plus ce que c'est comme insecte parce que je ne suis pas tellement entomo. Ah, souvent les bourdons font ça, je ne sais pas si c'est le cas là, mais... Alors non, c'était pas un bourdon. D'accord. Et alors il vient sur le côté, perce l'éperon, et alors lui s'en va avec le nectar sans avoir rien transporté comme pollen. Alors dans quelle mesure le déclin des pollinisateurs affecte-t-il les plantes? Comment ces dernières s'y adaptent-elles? Restez avec nous, on répond à ces questions dans quelques instants. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture avec Emmanuel Porcher et Pierre-Olivier Cheptou, nous parlons de pollinisation. Nous venons de parler de son fonctionnement et des mécanismes en jeu, que les interactions entre plantes et pollinisateurs, ce sont des interactions vieilles de plusieurs millions d'années qui ont façonné nos paysages et notre environnement. Pierre-Olivier Cheptou, vous êtes le co-auteur d'une étude parue dans The New Phytologist le 19 décembre 2023. Dans cette étude, c'est la première fois que l'on s'interroge sur la façon dont le déclin des pollinisateurs joue sur les fleurs. Est-ce que je peux vous demander quelle a été votre méthode et puis vos résultats ? Alors, c'est parti d'une interrogation il y a bien 10 ans de cela. Tout le monde est conscient du déclin des pollinisateurs. Tout le monde sait que les pollinisateurs ont un rôle majeur dans la reproduction des plantes, évidemment. Donc, je me suis dit, ce déclin des pollinisateurs, est-ce qu'il a affecté, dans les 30-40 dernières années, est-ce qu'il a affecté le système de reproduction des plantes ? Éventuellement, est-ce qu'on peut penser que les plantes se sont adaptées à cette réduction de pollinisation ? Alors, ça, c'était la question. Après, il fallait la méthode pour pouvoir étudier ça. Alors, on a une méthode maintenant en écologie qui s'appelle l'écologie de la résurrection. C'est un terme un peu fort, puisqu'en fait, on ne ressuscite rien, mais on utilise juste une propriété des plantes, et même des graines, c'est-à-dire leur capacité à rentrer en dormance. Les graines sont des structures qui peuvent se conserver assez longtemps, et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on amplifie cette conservation en les mettant au froid, à faible humidité, etc. Et comme ça, on peut les garder 20, 40, 30, 50 ans. Donc, ce qu'on a fait dans notre travail, c'est de récupérer des graines dans les conservatoires botaniques français. Donc on avait des populations qui avaient été échantillonnées dans une localité très précise. En l'occurrence, il s'agit de quatre localités dans l'île de France. Et on est retourné avec mon doctorant Samson Acco-Capidol, qui est le premier auteur de cette étude. On est retourné chercher les descendants. 20, 30 ans plus tard, en l'occurrence, on avait des graines qui avaient été collectées dans les années 90 et dans les années 2000. Voilà. Et en 2021, on est retourné chercher les descendants de ces plantes dans les quatre populations. Ensuite, on a ramené tout ça au laboratoire. Alors, il y a des détails méthodologiques dont je vous fais grâce. Et on a mesuré les traits. Alors, la première chose qu'on a faite, c'est de mesurer l'autofécondation qui a été réalisée dans ces populations-là. On a des techniques moléculaires qui nous permettent de regarder si sur les paires de chromosomes, les gènes sont les mêmes ou pas. Et à partir de ça, on peut en déduire un taux d'autofécondation. Premier résultat qu'on a observé, en moyenne sur les quatre populations, on avait une autofécondation qui était à peu près de l'ordre de 50% dans les années 90-2000. En 2021, 75%. Signifie 25% de plus d'autofécondation. Donc ça, c'est tout à fait cohérent avec l'idée d'une réduction de la pollinisation, évidemment. Mais ça ne nous dit pas que la plante a évolué. Ça pourrait juste être le fait qu'il n'y avait pas de pollinisateurs, il y avait moins de pollinisateurs, et la plante n'a pas changé. Simplement, comme on a cultivé nos plantes en environnement commun dans notre laboratoire, on a pu observer des caractères comme la taille des fleurs, la production de nectar, etc. Et les résultats sont assez frappants, c'est-à-dire qu'on voit une taille de fleurs qui diminue de 10% sur notre espèce, il s'agit de la pensée des champs, Viola arvensis, et une production de nectar qui diminue de 20%. Alors ça, c'est très important, parce que la production de nectar, c'est vraiment la récompense du pollinisateur, en plus du pollen, parce qu'il mange aussi du pollen. Et donc, tout cela nous indiquait qu'on avait une plante qui s'était adaptée finalement au déclin des pollinisateurs. On a aussi fait des tests de choix en mélange des vieilles des plantes ancêtres avec leurs descendants, et on a regardé le comportement des bourdons. Et les bourdons ne s'y trompent pas, ils vont sur les plantes anciennes, probablement car elles ont plus de récompenses, etc., plus attirantes. Oui, en effet, vous voyez 20% de nectar en moins en 20-30 ans. Emmanuel Porcher, pourquoi les fleurs d'aujourd'hui produisent moins de nectar ? Eh bien, ça, c'est un phénomène d'évolution vers ce qu'on appelle un syndrome de l'autofécondation. Donc déjà, je trouve que cette étude-là, elle est vraiment très jolie, parce qu'elle rentre dans une séquence où ça fait longtemps qu'on a des modèles mathématiques qui prédisent que l'évolution vers l'autofécondation va être favorisée en l'absence de pollinisateurs. Et il y a 10-20 ans, il y a eu des approches expérimentales qui ont retiré des pollinisateurs et qui ont laissé des populations de plantes en serre évoluer pendant plusieurs générations en absence de pollinisateurs, et qu'on montrait qu'il y avait une augmentation de l'autofécondation. Et là, c'est la première étude qui démontre que, dans la nature, c'est un phénomène qui est en train de se passer. Et donc, ce qui se passe, c'est que la sélection naturelle donc, favorise les plantes qui vont réussir à mieux produire des graines. Les plantes qui produisent plus de graines en l'absence de pollinisateurs, c'est celles qui sont capables de faire plus d'autofécondation. Et aussi, plus investir leurs ressources dans la qualité des graines qu'elles vont produire. Et produire du nectar ou des grandes fleurs, ben, ça demande une certaine dépense de ressources. Et donc, des plantes qui vont avoir des mutations, qui font des fleurs plus petites et avec moins de nectar, elles vont pouvoir produire des graines de meilleure qualité, de plus grosse taille, et être favorisées par la sélection naturelle. Et donc, progressivement, si on continue dans cette dynamique-là, on va terminer avec des fleurs qui sont vraiment très très petites et avec quasiment aucune ressource pour les pollinisateurs, comme on l'observe pour des espèces qui font de l'autofécondation depuis très très longtemps. Et Pierre-Olivier Chepteau, par rapport à l'autofécondation, on l'a pas encore dit, hein, mais pourquoi justement l'autofécondation comme stratégie reproductive représente un risque ? Alors, bon, il y a plusieurs implications sur les résultats qu'on a. La consanguinité, c'est jamais très bon. Ça, on sait ça chez tous les êtres vivants. En général, les éleveurs ne s'y trompent pas. Ils font pas de consanguinité, sinon ça fait des mauvais produits, etc. C'est peut-être pas le danger le plus immédiat sur cette espèce. Alors, on sait que les espèces qui s'engagent vers l'autofécondation, quand on regarde les phylogénies, mais là, on parle de millions d'années, ce sont jamais des choses qui durent très longtemps. C'est-à-dire que les espèces qui font de l'allofécondation, en général, sont beaucoup plus persistantes dans le temps. Ça, c'est la première chose. Mais le point le plus immédiat de l'évolution de la pensée des champs, c'est qu'en fait, elle évolue dans une rupture de l'interaction avec le pollinisateur. Et donc, si on suppose, comme on l'a fait, que le déclin des pollinisateurs a créé les conditions de l'évolution de ce syndrome d'autofécondation, moins de nectar, on pourrait craindre que, par retour, la baisse de nectar amplifie le déclin des pollinisateurs. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Oui, vous voulez dire que ce serait un cercle vicieux qui serait en cours de route ? C'est tout à fait cela. Emmanuel Porcher ? Oui, effectivement, cette étude-là, elle suggère qu'on est vraiment rentré dans ce cercle vicieux. Alors, qu'on avait déjà démontré par d'autres façons. Donc, on sait que les insectes sont en train de diminuer, de régresser. On sait que ça... Enfin, on n'est pas complètement sûr, mais on soupçonne que la pollinisation est moins efficace. Et ça peut avoir un premier effet qui est de faire régresser certaines espèces de plantes qui dépendent beaucoup des pollinisateurs pour leur reproduction. Et ça, au Muséum d'Histoire Naturelle, on a un programme de suivi de la flore de France qui existe depuis une quinzaine d'années et qui nous permet de caractériser des espèces de plantes qui sont en train d'augmenter et d'autres qui sont en train de diminuer. Et il se trouve que les espèces qui sont très dépendantes des pollinisateurs pour leur reproduction, elles sont plutôt en train de diminuer en ce moment. Donc ça fait aussi qu'on a moins de ressources pour les pollinisateurs et donc moins de pollinisateurs et on est dans le cercle infernal. Et là, les travaux de Pierre-Olivier Chepteau et ses collègues, ils montrent que même pour les plantes qui réussissent à se maintenir en l'absence de pollinisateurs, ça conduit à une diminution des ressources pour les pollinisateurs à cause de cette diminution de quantité de nectar. Et donc ça contribue aussi au cercle infernal, bien que les plantes se maintiennent, au moins sur le court terme. Sur le plus long terme, comme l'a dit Pierre-Olivier Chepteau, elles sont menacées aussi. Oui, le programme que vous évoquez, c'est en effet un bel exemple de science participative et citoyenne. Exactement, oui. C'est un programme, donc je ne sais plus si j'ai dit le nom, il s'appelle Vigiflore. Et il fait intervenir des botanistes bénévoles qui vont observer la flore sur des endroits précis. Et ils vont revenir tous les ans sur ces mêmes endroits et toutes et tous mesurer exactement de la même façon la présence d'espèces de plantes. Et ça permet de faire ce qu'on appelle un suivi de la biodiversité et d'être capable de caractériser finement les changements en cours. Et en une quinzaine d'années, c'est relativement rapide, on arrive à observer ces changements qui sont liés à la disparition des pollinisateurs. On voit aussi des changements qui sont liés aux effets du réchauffement climatique. Pour revenir sur cette étude, sur votre étude, Pierre-Olivier Chepteau, donc on l'a dit, moins d'insectes, moins de nectar, moins d'insectes, etc. C'est le cercle vicieux qu'on vient de décrire. Cette adaptation vers l'autofécondation n'est pas une bonne nouvelle ni pour les insectes ni pour les plantes. Mais vous avez travaillé sur une zone bien précise, hein, les cultures agricoles, avec une espèce précise, une espèce mésicole. Est-ce qu'on a le même signal à plus large échelle ? Alors ça, c'est toute la question. Effectivement, ça demande à être, je pense qu'Emmanuel ne me contredira pas, l'Île-de-France est quand même une zone où la pollinisation a été particulièrement affectée. Donc la question est de savoir si ce signal, il est général. Ça, c'est quelque chose que je projette de faire dans le cadre d'un projet à l'échelle de l'Europe, où comme cette espèce, la pensée et distribuée assez largement en Europe, on pourrait faire la même chose dans d'autres parties de l'Europe. Et voir si on a vraiment ce signal partout ou si c'est très hétérogène. Il est possible que ça soit que tous les endroits de l'Europe, par exemple, ne soient pas affectés de la même manière. Je pense que ça serait raisonnable de penser ça. Mais bon, il faut faire les manips. Emmanuel Porcher, est-ce qu'on sait si c'est un phénomène, ce phénomène est à large échelle? Est-ce que ça concerne d'autres espèces florales dans d'autres régions? C'est probablement un phénomène à large échelle. Alors, c'est toujours compliqué de mesurer la pollinisation et son efficacité. Ça demande des dispositifs expérimentaux un peu lourds et qu'on ne peut pas faire répartir sur l'ensemble du territoire mondial. Mais on a plein d'éléments de preuve indirecte qu'il y a un problème de pollinisation à différents endroits dans le monde. Donc, les résultats du programme Vigiflore dont je vous ai parlé en sont un. Mais il y a d'autres études, par exemple, qui ont comparé les disparitions locales d'espèces aux Pays-Bas et au Royaume-Uni entre avant les années 80 et après les années 80 et qui ont constaté qu'il y avait des disparitions conjointes de plantes et de leurs pollinisateurs spécifiques à plein d'endroits dans ces deux pays. Donc ça existe au Royaume-Uni, ça existe aux Pays-Bas, ça existe en France, probablement ça existe dans pas mal d'autres endroits ailleurs. Pierre-Olivier Chepteau. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute? Non, moi aussi d'autres études. On évoquait il y a l'instant le fait que vous ayez en effet mesuré hein, le 20% de nectar en moins pour prendre toujours un peu plus de distance. Est-ce que d'autres études ont déjà mesuré la quantité de nectar sur des écosystèmes? Alors, ce qui est intéressant justement par rapport à ce que dit Emmanuel, c'est que il y a des choses qui se passent à l'échelle des communautés, c'est-à-dire des groupes d'espèces de plantes. Là, on savait déjà que la chute des pollinisateurs favorisait les espèces autogames, enfin les espèces qui n'avaient pas besoin de pollinisateurs. Là, on voit qu'à l'intérieur des espèces, ça bouge. Et ça, c'est quand même une idée assez nouvelle qui dépasse notre étude. Hein, et qui est un peu, c'est-à-dire qu'on voit que les processus d'évolution qu'on croyait très très lent. Darwin a une phrase dans l'origine des espèces, je crois, sur le fait que les changements sont infinitésimaux, ça va très très très lentement et on peut pas les voir à l'échelle d'une génération d'humains, par exemple. En fait, on voit que, lié au changement climatique, etc., on voit que les évolutions sont finalement assez rapides. Et là, si on compare ce qui se passe en termes de production de nectar à l'échelle d'une communauté et d'un changement comme nous on l'a observé sur une espèce, on est un peu dans les mêmes ordres de grandeur. Alors voilà, là je mets des gros guillemets parce qu'on n'a pas beaucoup de recul là-dessus. Mais donc ça veut dire qu'on ne peut pas du tout négliger les phénomènes d'évolution quand on s'intéresse à l'adaptation au changement climatique, au changement de communauté lié aux changements environnementaux. Emmanuel Porcher, est-ce que ce phénomène d'autofécondation peut être réversible? Probablement. Alors, un élément qui suggère que probablement cette évolution peut arriver de façon assez générale, c'est que les modèles théoriques qu'on a suggèrent que c'est très facile d'évoluer vers l'autofécondation. Il y a plein d'avantages à faire de l'autofécondation, malgré les problèmes de consanguinité que Pierre-Olivier Chepteau a mentionnés. D'une part, ça permet d'avoir une assurance de reproduction en l'absence des pollinisateurs. Et puis, d'un point de vue purement génétique, eh bien, c'est très efficace pour transmettre ses gènes. Parce qu'une plante qui fait de l'autofécondation, tous ses descendants portent exclusivement ses gènes. Alors qu'une plante qui fait du croisement, elle transmet que la moitié de ses gènes dans ses descendants. Donc il y a une très forte pression de sélection en faveur de l'évolution de l'autofécondation. Donc c'est une évolution dans un sens qui est très facile et qui peut être un peu plus compliquée dans le sens contraire. Il faut vraiment retrouver des conditions où les pollinisateurs, c'est très abondant, on n'aurait plus ce problème d'assurer la reproduction, mais ce n'est pas impossible. Pierre-Olivier Chepteau, on évoque là les avantages de l'autofécondation. Une reproduction sexuée, il faut que deux individus différents se combinent, ce n'est pas assuré, c'est une stratégie aussi risquée. Pourquoi on ne voit pas plus de reproduction par clonage que de reproduction sexuée? Alors, je voulais juste revenir sur ce que disait Emmanuel tout à l'heure. Oui, effectivement, après je reviendrai sur votre question. En fait, le fait qu'on évolue vers l'autofécondation, c'est certainement beaucoup moins facile d'évoluer vers l'allofécondation après. En plus, parce que les effets de la consanguinité, en fait, diminuent avec l'autofécondation. Et donc, finalement, plus on fait d'autofécondation, plus ça devient facile d'en faire, d'une certaine manière. Donc, ça veut dire que si on veut voir les espèces regagner en allofécondation, il va falloir des conditions de pollinisation excellentes. Et ça, c'est pas gagné du tout. Voilà. Je reviens maintenant à votre question qui était, j'ai oublié. Sur les avantages, enfin pourquoi on ne voit pas plus de reproduction par clonage que de reproduction sexuelle, puisque la reproduction sexuelle, ce n'est pas non plus une stratégie... Alors oui, ça mériterait une émission complète, parce qu'effectivement, le sexe, ça reste une énigme pour laquelle on n'a pas vraiment... On voit que c'est quand même très largement répandu, mais... disons qu'on a des arguments, mais que la question n'est absolument pas réglée. Le clonage, les plantes en font quand même. Il y a des plantes qui allient reproduction sexuée par les graines et clonage au niveau des racines, bouturage, etc. Sur la reproduction végétative des plantes, il y a une exception, ce sont les plantes annuelles. On ne sait pas trop bien pourquoi, mais elles ne sont pas du tout capables de faire de la reproduction asexuée, donc du bouturage ou du clonage. Mais pour les autres, quasiment toutes sont capables de se reproduire sans passer par la reproduction sexuée. Mais malgré tout, toutes maintiennent cette reproduction sexuée. Et comme le disait Pierre-Olivier Cheptou, c'est un sujet très très vaste, mais c'est un petit peu le même mécanisme que pour l'autofécondation, c'est-à-dire qu'il y a des avantages immédiats à faire de la reproduction clonale. On se reproduit beaucoup plus efficacement quand on peut se diviser en plein de petits morceaux et ça donne des nouvelles plantes. Mais sur le long terme, c'est une solution qui ne maintient pas de diversité génétique dans les populations et qui ne permet pas aux populations de s'adapter au changement de leur environnement. Donc sur le long terme, ce sont des espèces qui sont condamnées à disparaître. Alors dans quelle mesure la diversité des interactions plantes-pollinisateurs est un prérequis indispensable à la stabilité de nos écosystèmes ? Restez avec nous, on répond à ces questions avec des fleurs. Je me suis levée du mauvais pas, et que le monde entier est contre moi. Quand plus rien ne va plus, quand je me sens perdue, pour que s'envole ma mauvaise humeur, donne-moi des fleurs. Quand tu vas me quitter, tu reviens quand tu es à côté, quand tu es loin, pour me parler d'amour. Ne fais pas de discours, puis si tu m'aimes pour voler mon cœur, donne-moi des fleurs, deux ou trois plumes vertes, et ça fera la si tu ne trouves pas d'autre occasion, puisque c'est tous les jours la fête de l'amour, l'anniversaire de notre bonheur, donne-moi des fleurs, puisque c'est Pétula Clark, donnez-moi des fleurs en direct sur France Culture, car nous parlons de pollinisation avec nos deux invités du jour, Emmanuel Porcher, écologue et biologiste de l'évolution, enseignante-chercheur au MNHN, directrice du Centre d'écologie et des sciences de la conservation, et avec Pierre-Olivier Cheptou, directeur de recherche au CNRS, au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Nous venons de voir comment plantes à fleurs et insectes pollinisateurs ont coévolué à travers des millénaires pour assurer leur survie. Mais nous venons de voir aussi comment, sans pollinisateurs, les fleurs des champs font des bébés toutes seules. Sous les pressions environnementales et climatiques, on observe certaines interactions fleurs-pollinisateurs évoluer pour s'y adapter. C'est le cas de fleurs brésiliennes pour le reportage du jour. Et avec vous, Céline Lausanne, nous sommes allés les examiner au laboratoire Écologie, Systématique et Évolution de l'Université de Paris-Saclay. Bonjour Céline. Bonjour Natacha, oui, des espèces du nom d'Iridicae, très colorées et endémiques de la pampa brésilienne. Ce sont des fleurs dites héliophores, c'est-à-dire qui sécrètent de l'huile, que des abeilles spécialisées viennent recueillir, un autre type d'interaction liée à cette ressource assez inhabituelle, qui se serait développée avec l'apparition dans ces fleurs de structures productrices de lipides. Olivier Chauveau est botaniste et ingénieur de recherche et il étudie dans ce laboratoire les mécanismes de pollinisation de ces fleurs à échelle moléculaire à partir d'échantillons qui lui sont transmis depuis le terrain via sa doctorante dont les recherches ont été publiées dans Botanical Journal of the Linnean Society. Là, on voit à travers cette figure l'image prise en vision humaine. L'image en ultraviolet et l'image reconstruite à partir des différents spectres qu'on a obtenus sur la partie visible par l'abeille. Et donc c'est cette image-là sur laquelle on va travailler après pour définir des caractéristiques particulières à chaque image et voir si à partir de ces caractéristiques, on peut définir un peintre de coloration qui est lié à une ressource. En quoi ces données permettent de mieux comprendre ou appréhender le comportement de l'abeille ? Une des questions qu'on se pose à travers le projet de recherche qu'on est en train de mener, c'est de savoir comment l'abeille arrive à détecter à l'intérieur d'une prairie la présence de ces fleurs avec ses composés lipidiques. Donc ça peut être de différentes façons, ça peut être à travers sa vision. Donc on essaye de tester ça, mais ça peut être aussi à travers des odeurs. Donc là aussi, en fait, c'est plutôt les chercheurs brésiliens avec lesquels on travaille qui travaillent sur cette partie-là, sur les odeurs. Donc à partir de ces différentes approches, on va essayer de déterminer ce qui semble plus probable comme étant un facteur d'attraction pour les abeilles. Alors en fait, on s'intéresse plus particulièrement à des espèces de la famille des iris, qui sont distribués en Amérique du Sud, plutôt dans la zone néotropicale, et qui ont la particularité de produire des huiles, donc des lipides dans les fleurs. C'est une particularité très rare chez les angiospermes, donc chez les plantes à fleurs, c'est-à-dire qu'on a à peu près 11 familles qui produisent ce type de ressources sur environ 400 familles d'angiospermes. Donc c'est vraiment particulièrement rare. Et ça fait intervenir aussi des insectes donc, qui sont des abeilles solitaires, qui, elles, ont un besoin absolu de ces lipides parce qu'elles imperméabilisent leur nid en utilisant ces huiles et elles nourrissent leurs larves avec. Donc du côté, en fait, de l'insecte, c'est vraiment une relation très très stricte, c'est-à-dire que l'insecte ne peut pas se passer de ses productions de lipides et de sa récolte. Par contre, la plante produit plusieurs ressources, donc elle est pollinisée par différents types d'insectes qui peuvent être plus généralistes et qui vont collecter soit du nectar, soit du pollen sur les fleurs. Il y a un terme exact pour caractériser ces fleurs qui produisent ces huiles particulières ? Alors, il y a un terme exact, en fait, pour définir les organes qui produisent ces lipides. Ça s'appelle des héliophores. Ce sont des poils unicellulaires, glandulaires, donc qui produisent chacun les lipides et à l'intérieur des fleurs, au niveau des pétales. Et ce sont des petits tapis, comme ça, de trichomes, donc ces cellules, qui, en fait, produisent les huiles et qui sont récupérées par les insectes. Et de leur côté, les insectes, en fait, ils ont développé une morphologie très particulière au niveau des pattes, avec des peignes qui leur permettent, en fait, de récupérer ces huiles et après de les passer sur les pattes postérieures pour les transporter jusqu'à leur nid. Biologie moléculaire. Donc là, c'est le laboratoire de biologie moléculaire. Donc c'est assez simple en termes d'équipement. On a tout l'équipement de biologie moléculaire de base, c'est-à-dire des micros. Ce qui est incroyable, c'est que dans votre discipline, on a aujourd'hui des outils qui permettent de sonder des phénomènes là où avant, on pouvait juste avoir le regard et le sens de l'observation. Là, on va un peu au-delà de ce qu'on peut voir, nous, en tant qu'être humain. Non, et c'est dans clair. Toutes les dimensions, l'olfaction, la vision. Oui, vraiment. On essaye d'aller maintenant au niveau... Enfin, on travaille beaucoup à l'intérieur des cellules. C'est-à-dire qu'un des volets de notre projet, par exemple, va consister à essayer de comprendre, au cours du développement de la fleur, à quel endroit, dans quelle cellule, dans quel type d'organes sont synthétisés les lipides et après comment ils sont transportés jusqu'aux zélaïophores dont je vous parlais tout à l'heure, donc aux cellules externes qui sont sécrétrices de ces lipides-là. Donc là, on va travailler avec de la microscopie à transmission ou de la microscopie à balayage pour la partie externe, suivant les cas. Donc on est vraiment à une échelle très très fine, quoi. Donc là, dans cette pièce-là, ce sont les thermocycleurs donc, qui permettent l'amplification de l'ADN. Donc il y a des programmes d'amplification très spécifiques pour chaque type de région qu'on veut faire. Comment ça fonctionne? On met un échantillon sur le haut de la machine? Alors en fait, on met plusieurs échantillons, on met jusqu'à 86 échantillons à l'intérieur de la machine. Et une plaque avec des puits, là? Voilà. Donc, enfin, c'est des puits, oui, c'est tout à fait, c'est exactement ça. Donc on vient avec des tout petits tubes de 200 microlitres et puis on les place à l'intérieur de la machine. Et après, il y a différents cycles qui permettent de séparer les brins d'ADN, d'apparier ce qu'on appelle des amorces en fait qu'on a déjà synthétisées au préalable qui vont permettre de lancer l'amplification de l'ADN. Avec une polymérase particulière. Et puis après, on a une phase en fait d'élongation de nos fragments qui nous permet de reconstituer entièrement le fragment qu'on veut amplifier. Et donc une fois que ça c'est fait, on passe dans la salle d'électrophorèse qui se trouve juste à côté et dans laquelle on va en fait révéler la présence ou non des fragments qu'on cherchait à amplifier en faisant migrer notre ADN sur un gel d'agarose. Et une fois que ça c'est fait, après on envoie au séquençage, donc sur la plateforme, qui va séquencer les petits fragments qu'on a produits. Voilà. Là en fait, on souhaite continuer en fait ce travail qu'on a initié en 2021 sur des comparaisons entre des environnements différents. Et justement, on aimerait travailler maintenant sur des environnements anthropisés pour essayer de tester ou d'évaluer l'influence de l'anthropisation sur ce système de pollinisation et de savoir s'il a un impact ou non. Merci Céline Lauzen pour ce reportage. Pierre-Olivier Cheptou, une réaction à ce qu'on vient d'entendre? Alors c'est un système que je connaissais pas du tout, donc je le découvre. Y a plusieurs idées qui me sont venues comme ça. Bon, d'abord ça illustre que les pollinisateurs se dirigent par la vision, mais attention, ils ne voient pas exactement la même chose que nous. Ils voient dans les UV, donc et aussi par les odeurs. Une chose que je trouve frappante, c'est que donc là on n'a pas un liquide sucré comme le nectar, mais de l'huile. Et ça illustre un truc qui est assez intéressant, je trouve, en évolution, c'est que finalement, certaines familles se sont engagées dans une voie, et si en face, elles ont trouvé les pollinisateurs, enfin, ou les animaux qui interagissent avec elles, et que ça fonctionne, eh ben ça se poursuit. C'est l'idée de contingence. Finalement, si on refaisait l'arbre de l'évolution, on n'aurait peut-être pas exactement la même chose, mais une fois que c'est en place, ça se maintient. Et puis oui, la dernière chose qui frappe dans ce système, c'est le caractère asymétrique de la relation. C'est-à-dire que l'abeille solitaire a absolument besoin de cette plante, elle n'a qu'une plante comme ressource, alors que la plante, elle, a plusieurs pollinisateurs. Elle fait plusieurs ressources pour plusieurs pollinisateurs. Emmanuel Porcher, on va poursuivre justement ce portrait de ces pollinisateurs. Avant de parler de leur déclin, peut-être qu'on peut aussi rappeler de qui parle-t-on, qui sont les acteurs de pollinisation, les vecteurs de pollinisation, comme on disait tout à l'heure. Il y a l'abeille la plus populaire, mais elle n'est pas la seule. Oui, souvent, effectivement, quand on parle pollinisation, on pense à abeilles et même on pense à abeilles domestiques, celles qui produisent le miel. En fait, ça, c'est juste une seule espèce, mais à l'échelle de la planète, il y a 20 000 espèces d'abeilles sauvages et près de 1000 en France. Et puis, il y a plein d'autres groupes qui sont capables de transporter le pollen. Il y a beaucoup de mouches, en particulier, je pense aux sirfs, qui sont des petites mouches rayées qui ressemblent à des abeilles ou à des guêpes, qui contribuent énormément à la pollinisation. Et dans l'extrait, l'archive que vous avez passé au début, la personne séparait les insectes qui vivent dans la terre et dans l'ordure de celles qui visitent les fleurs. Mais en fait, des fois, ce sont les mêmes espèces. Et les sirfs, ce sont les adultes qui visitent les fleurs. Mais les larves peuvent vivre des fois dans des bouses de vaches, par exemple. Et puis, il y a d'autres insectes. Il y a le groupe des coléoptères, donc où il y a les scarabées, par exemple. Les papillons, et notamment pas mal de papillons de nuit. On ne s'en rend pas compte, mais la pollinisation, elle peut avoir lieu la nuit aussi. Et ça, c'est pour l'Europe, mais dans d'autres endroits du monde, on peut avoir des chauves-souris, des oiseaux, des rongeurs, des fois des lézards qui participent à ce transport de pollen. Sur le déclin justement de ces insectes, en 2016, il y a eu la publication du rapport de l'IPBES sur la pollinisation. Emmanuel Porcher, quelles sont les conclusions de ce rapport? À combien chiffre-t-on ce déclin? Alors, il est compliqué à chiffrer ce déclin parce qu'on n'a pas vraiment une vision d'ensemble, mais on a des études ponctuelles qui ont caractérisé les changements d'abondance des insectes pollinisateurs. Et ces quelques études ponctuelles, elles sont assez concordantes. On a vraiment une diminution massive de soit de la masse des insectes, soit du nombre d'individus qui vont de 60% à quasiment les 4/5, vous l'aviez dit au début, des insectes. Et ça, depuis les années 90, c'est-à-dire à un moment où les humains avaient déjà depuis longtemps des effets sur la planète. Donc probablement, cette diminution, elle est encore plus massive, mais on n'avait pas commencé à la mesurer quand elle a commencé elle-même. Pierre-Olivier Chepteau. Oui, donc la question aussi du service de pollinisation, le déclin des pollinisateurs, donc au-delà de polliniser les espèces sauvages, hein, comme les pensées, ça c'est aussi le service de pollinisation à l'agriculture. Il y a des espèces qui sont fortement dépendantes des pollinisateurs pour produire des graines, par exemple le colza ou encore les tournesols. Et donc on voit bien là tout l'importance économique de la chute des pollinisateurs. Oui, vous parlez d'importance économique, on parle aussi de sécurité alimentaire également, puisqu'il y a une étude qui est parue dans la revue Science Advances en 2021, une méta-analyse qui regroupe plus de 600 études, pardon. Et selon cette méta-analyse, la moitié des plantes à fleurs de la planète, soit près de 175 000 espèces végétales sur 350 000, seraient susceptibles de disparaître, Emmanuel Porcher. Oui, mais ça, je pense que malheureusement, c'est un chiffre qui est valable pour beaucoup de groupes sur la planète. On a beaucoup, beaucoup d'espèces qui sont menacées, avec des causes qui sont relativement bien connues. C'est de façon générale la destruction des habitats des espèces. Et donc ça, c'est une cause qui est très importante pour les plantes à fleurs, et notamment la déforestation. Des effets des pollutions, en particulier dans les pays industrialisés, l'agriculture intensive et l'utilisation massive de pesticides. Les effets du réchauffement ou des dérèglements climatiques qui en sont à leur tout début, mais qui commencent déjà à se faire sentir. Et d'ailleurs, dans le programme Vigiflore, on a observé que les espèces qui sont présentes à un endroit donné sont de plus en plus des espèces tolérantes à des fortes températures. Et puis, il y a des effets qui sont liés à l'introduction d'espèces exotiques dans certains endroits du monde, et possiblement, mais c'est plus rare, de la surexploitation de populations. Donc je pense par exemple à certaines espèces de gentiane qui sont utilisées pour faire du génépi. On a pu menacer d'extinction, mais ça reste beaucoup plus rare. Et puis l'agriculture intensive avec la monoculture qui a diminué la diversité des flores et de leurs visiteurs. Pierre-Olivier Chepteau, on arrive vers la fin de cette émission. Quelles sont les solutions? Comment favoriser le retour des pollinisateurs? Comment enrayer ce cercle vicieux? Alors, ça c'est une vaste question. Je voudrais juste revenir sur la question de l'adaptation quand on a des extinctions de population qui sont liées à plein de choses, au réchauffement climatique et pas seulement bien sûr au déclin des pollinisateurs. Sauf que le déclin des pollinisateurs a quand même un rôle central, parce qu'il va jouer sur le système de reproduction des plantes, et comme on l'a dit, on va faire de l'autofécondation alors qu'avant on faisait de la fécondation croisée. Et on sait, on a des idées quand même sur le fait que les espèces autogames strictes s'adapteraient moins bien à n'importe quel autre changement. Donc le système de reproduction et la relation avec les pollinisateurs, c'est quand même un point tout à fait central. Concernant votre question, que j'ai oublié, non. je suis loin de Paris, moi. Vous êtes tout excusé, vous êtes à distance. Non, je posais une question parce que je ne voulais pas finir cette émission sur ce constat si sombre, voilà, sur les solutions que l'on connaît, elles aussi. Les solutions. Alors, bon, moi, je ne suis pas entomologiste, donc je suis étonné de certaines choses. Évidemment, on se dit que des éléments de nature, alors moi, il se trouve que j'habite à Montpellier, dans l'arrière-pays, où on a beaucoup de garrigues, etc. Et j'ai pas de mesure précise, mais on a quand même des effets moins forts sur le déclin des pollinisateurs. Donc ça, c'est la première chose. Donc favoriser des éléments de nature dans le paysage. Bon, il y a aussi évidemment la question des pesticides. Hein. Je veux dire, si les insecticides tuent les insectes, les abeilles sont des insectes. Voilà, favoriser des éléments de nature. Mais il y a aussi un truc qui est assez frappant. Moi, j'aime bien discuter avec les apiculteurs. Et il semble y avoir des effets à plus grande échelle que la simple zone traitée ou la simple zone abîmée, etc. Quand vous discutez avec des apiculteurs du fin fond de la Lozère, qui sont quand même un milieu assez préservé, ils ont des extinctions, des mortalités de colonies. Alors là, il s'agit des abeilles domestiques. Mais on peut supposer qu'il se passe un peu la même chose chez les pollinisateurs sauvages. Donc voilà. Donc la question des solutions, favoriser des éléments de nature sauvage. Emmanuel Porcher, comment favoriser le retour des pollinisateurs ? Alors, il y a plein de solutions concrètes, dont Pierre-Olivier Chepteau en a mentionné quelques-unes. En fait, il suffit, entre guillemets, d'inverser les causes qu'on connaît. Donc, essayer de limiter les dérèglements climatiques. Et puis, si on prend l'exemple de l'agriculture intensive, qui est une cause très, très importante, comme le disait Pierre-Olivier Chepteau, remettre des éléments naturels, changer les pratiques, notamment pour diminuer, voire supprimer l'utilisation des pesticides. Mais ça, ça a un coût pour les agriculteurs. Ça veut dire moins de terres cultivables si on remet des éléments naturels. Si on se passe des pesticides, ça veut dire des pratiques qui font intervenir beaucoup plus de main-d'œuvre humaine, des choses plus coûteuses. Et donc, il faut que la société, dans son ensemble, soit prête à soutenir les agriculteurs et puis tous les autres corps de métier qui vont être impactés par ça. Et possiblement, une chose qui manque actuellement, c'est que l'ensemble de la société se sente concernée par cette disparition de la biodiversité en général, des interactions plantes-pollinisateurs en particulier. Peut-être les gens se sentent moins concernés parce qu'ils connaissent pas très bien cette nature. On a de plus en plus de gens qui habitent en ville. En France, c'est 80% de la population. Ils croisent assez rarement des espèces sauvages. C'est difficile de vouloir protéger quelque chose qu'on connaît pas et qu'on n'aime pas particulièrement. Et donc, une solution possible, qui est une petite solution à son échelle, c'est le recours aux sciences participatives qui permettent de redécouvrir la nature, les espèces sauvages autour de soi, y compris jusque dans le cœur des villes. Les études qu'on a menées au muséum autour de ces programmes de sciences participatives, autour du programme Viginature, qui est un grand programme qui propose de suivre plein de groupes différents pour des gens qui n'ont pas forcément de connaissances au départ, ça montre que les gens se sont transformés. Ils peuvent changer leur comportement dans un sens qui va vers une meilleure prise en compte de la biodiversité, une protection des pollinisateurs et des plantes. Comme vous dites, c'est un fléau encore trop largement sous-estimé, ce sujet. Merci, merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Pour compléter justement sur ces questions d'action, de solutions, je vous renvoie également à l'émission que nous avions consacrée l'an dernier, Insectes, alerte, disparition. On va parler dans quelques instants d'un tout autre sujet avec la chronique Avec Science. Mais avant, Emmanuel Porcher, j'annonce que vous êtes invité cette année à occuper la chaire annuelle biodiversité écosystème du Collège de France. Votre leçon inaugurale aura lieu demain à 18h. Je rappelle également que tous les cours du Collège de France sont gratuits et ouverts à toutes et à tous. Merci à vous deux. Il est temps de retrouver Alexandra Delbo qui nous parle aujourd'hui de la vraie couleur de la planète Neptune, pardon, c'est la chronique Avec Science. Quelle est la vraie couleur de Neptune ? Vous pensez qu'elle est bleu foncé ? Eh bien, vous avez été berné, mais ce n'est pas tout à fait votre faute. Dans les manuels scolaires ou dans Google Images, lorsqu'on regarde une représentation des planètes géantes de notre système solaire, on voit Jupiter en ocre et marron, Saturne en jaune, Uranus bleu vert clair et Neptune en bleu marine. Ce sont toutes leurs vraies couleurs, sauf pour Neptune, et les astronomes le savent depuis longtemps. À l'origine de cette fausse information, il y a deux images prises par la sonde Voyager 2, une d'Uranus en 1986 et une de Neptune en 1989. Sauf que sur celle de Neptune, on a poussé un petit peu les contrastes. Roland Bacon est astrophysicien et directeur de recherche CNRS au CRAL, le centre de recherche en astrophysique de Lyon. Donc lorsque ces images ont été prises, il s'agissait en fait de voir si on trouvait des structures dans les atmosphères de ces planètes géantes. Et donc on reconstitue en fait, il faut le savoir, des images de couleurs, mais la pose initiale sont faites dans une bande particulière. Donc on reconstitue avec une, deux, trois images. On va reconstituer une image qu'on appelle, nous, en fausse couleur. On combine des images noires et blancs prises dans différents filtres. Et donc, c'est jamais forcément représentatif de ce qu'on verrait si on pouvait être sur place. Et c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de regarder comment est l'émission lumineuse sur la surface de la planète et de voir si on y voit des structures. Et donc, c'était ça l'idée. Et donc, sur Neptune, ils ont vu des structures qu'ils ont voulu mettre en évidence et ils ont accentué ça pour qu'on les voit clairement. Et c'est ce qu'on fait tous les jours en astrophysique, quand on représente même des galaxies, par exemple, on y met des très belles couleurs, mais c'est pas forcément les vraies couleurs. Cette image emblématique s'est donc répandue, et on ne peut en vouloir à personne. Il s'agissait de la toute première image en haute résolution d'une planète extrêmement lointaine. On voit même des nuages à sa surface. L'erreur n'a donc pas été de propager l'image, mais seulement de ne pas avoir collé une légende correcte. Et puis, si les astronomes avaient réellement utilisé de fausses couleurs, comme du violet ou du rouge, tout le monde aurait alors su qu'il ne s'agissait pas de la bonne couleur. Mais bleu pour bleu, nous avons été dupés. Finalement, la vraie couleur d'un objet, c'est l'énergie qu'il va émettre dans certaines longueurs d'onde. Par exemple, le soleil émet dans le jaune, donc on le voit dans le jaune. Mais comment reconstituer fidèlement la couleur d'une planète? Déjà, il faut souligner que la couleur des planètes n'est pas un sujet de recherche. Mais si on veut le faire, soit on reconstitue des images à des temps différents en les calibrant ensemble, soit, et c'est encore plus précis, on fait de la spectroscopie. On regarde le spectre d'émission, donc la lumière émise par la planète, dans toutes les longueurs d'onde, et là, on a beaucoup plus d'informations. C'est ce qui a fait cette nouvelle étude. Son objectif principal était en réalité l'étude des variations saisonnières des couleurs de Neptune et d'Uranus grâce à deux instruments, STIS et MUSE. Mais au passage, ces scientifiques ont rendu à Neptune ses vraies couleurs. Roland Bacon est le père de cet instrument MUSE du Very Large Telescope. Ils ont utilisé un des spectrographes du télescope spatial, qui s'appelle STIS, sur Hubble, pour obtenir des spectres. Hein. Mais celui-ci ne fait pas d'image, en quelque sorte. Alors que MUSE est un spectrographe dit 3D, qui, lui, on pourrait l'imaginer, qui fait des milliers d'images à toutes les longueurs d'onde. Et il les fait en même temps. Et donc, on a une fidèle représentation de toutes les énergies, de toutes les images de Neptune à toutes les longueurs d'onde. Il fait à peu près 4000 images qui vont couvrir toutes les longueurs d'onde du spectre visible jusqu'à l'infrarouge. Et donc, en les regardant, on peut reconstituer le vrai flux à une longueur d'onde qui est émis, et donc on peut en reconstituer la vraie couleur. Eh ben, c'est plutôt un bleu pâle, quoi. Ça ressemble beaucoup à la couleur d'Uranus, ce qui n'est pas surprenant, hein, puisque c'est grosso modo les mêmes compositions chimiques de l'atmosphère. Uranus et Neptune émettent de l'énergie dans le bleu, et plus précisément dans le même bleu clair, puisque leurs atmosphères ont une composition un petit peu semblable, chargée notamment en méthane. Voilà une affaire résolue, reste que Neptune est encore mal connue, parce qu'elle est difficile d'accès. Le temps de trajet dépend bien sûr de la vitesse, mais Voyager 2 avait mis plus de 12 ans pour l'atteindre. Et cette planète n'est pas prête de voir passer un nouvel engin. Aucun des projets de la NASA n'a pour l'instant abouti, mais il y en aura sûrement un jour. Puisque Triton, la plus grosse de ces lunes, est suspectée d'héberger un océan d'eau liquide. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vufron, Ève Etienne, Alexandre Morales, Bruno Sansini, Céline Lozen. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Sébastien Rouillet. Merci à France Bleu Héros. Vous pouvez nous écouter partout à toute heure en podcast sur franceculture.fr ou nous suivre sur Twitter, @sciencecqfd. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.